Note. La lettre dont il s'agit ici avait été publiée dans le Journal des débats et dans le Publiciste, 1800, et reproduite en tête de la première édition d'Atala. La voici. Citoyens, dans mon ouvrage sur le génie du christianisme ou les beautés de la religion chrétienne, il se trouve une partie entière consacrée à la poétique du christianisme. Cette partie se divise en 4 livres : poésie, beaux-arts, littérature, harmonie de la religion avec les scènes de la nature et les passions du cœur humain. Dans ce livre, j'examine plusieurs sujets qui n'ont pu entrer dans les précédents, tels que les effets des ruines gothiques comparés aux autres sortes de ruines, les sites des monastères dans la solitude, etc. Ce livre est terminé par une anecdote extraite de mes voyages en Amérique et écrite sous les huttes mêmes des sauvages. Elle est intitulée « Atala », etc. Quelques épreuves de cette petite histoire s'étant trouvées égarées, pour prévenir un accident qui me causerait un tort infini, je me vois obligé de l'imprimer à part avant mon grand ouvrage. Si vous vouliez, citoyen, me faire le plaisir de publier ma lettre, vous me rendriez un important service. J'ai l'honneur d'être, etc. Note de l'auteur.